Test 1, test 1. Allez bien la nouvelle sono. Tu l'entends de là-bas? Ah c'est pas mal hein. On dirait presque la sono de l'AG. Bon bah on va commencer. Alors je vais laisser le premier intervenant de la journée se présenter et présenter son sujet. Ok, je vais peut-être m'asseoir par contre. On s'assoit ou pas? Ok, ceux qui veulent m'écouter, c'est le moment de venir. Parce qu'il ne faut pas rater le début. Et ça me fera plaisir d'avoir du jeu en face de moi. Donc si vous pouvez vous asseoir peut-être. Ah, d'accord. Mais vous restez en tout cas. Normalement, vous êtes là, c'est déjà... Ok. Bon, personne ne devrait... Bon, ok, mais je vais commencer. C'est bon, ça enregistre en fait, c'est ça? Ok. Je vais vous parler des procédures de vote. Alors, ça peut paraître rébarbatif, mais je vais essayer de faire ça sous forme un peu ludique. Alors, la question que je vais poser, c'est quelles règles adopter pour obtenir une procédure de choix satisfaisante? Alors, il faut se donner comme cadre... Vous imaginez qu'il y a une assemblée de votants et un ensemble de propositions qui sont incompatibles. Alors, il ne faut pas seulement penser à des candidats qu'on choisirait. On peut aussi penser à des questions générales qui ne mettent pas en jeu des mandats et donc qui nécessitent par contre un choix démocratique. Et donc, on va se poser la question, quelles sont les règles à instaurer pour que ça marche bien? Alors, par exemple, est-ce qu'on va choisir un ou deux tours, une élection en un ou deux tours? Est-ce qu'on va mettre une part de hasard? Est-ce qu'on va faire... aucune part de hasard, donc ça s'appellera déterministe. Est-ce que le votant, il va pouvoir s'exprimer sur une seule proposition ou sur plusieurs? Donc c'est des choses comme ça que je vais aborder. Tout de suite, un petit... attention, je vais aborder ça un peu sous l'angle de la théorie des jeux. Normalement, moi, je suis pas un théoricien des jeux, donc je vais essayer de faire un truc un peu vulgarisé, qui est compréhensible par tous. Il faut pas hésiter à m'interrompre si je suis un peu technique. Le but de ma présentation, c'est pas forcément de faire un exposé super scientifique, mais c'est de dire, de vous permettre d'avoir des outils pour critiquer les procédures qui existent, notamment les procédures françaises, parce qu'on critique jamais mieux que quand on critique l'univers dans lequel on vit. Et donc, il faut voir ça comme des informations qui vont permettre de critiquer un peu les procédures en place, ou celles qu'on pourrait être amené à discuter dans la nuit debout, par exemple, pour faire des choix démocratiques. Alors, il y a une limite à poser déjà, c'est que... je pense qu'il y a quelque chose quand même en termes critiques donc à voir dans ce que je vais dire, et surtout ne pas envisager que des règles de vote soient quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui est profondément arbitraire, qui est fixé par un pouvoir, et on peut les remettre en cause. Souvent, on présente les élections dans les médias comme quelque chose de... c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est un peu des lois, c'est une naturalisation en fait de la procédure, alors que la procédure vient elle-même de choix arbitraires. Voilà. Alors ensuite, on peut critiquer. Ça c'est bon. Donc, ce que je vais dire, c'est qu'il y a des. Ça marche plus. Si, ça marche. Je vais aborder en termes mathématiques un peu. Alors ça, on peut le critiquer parce que c'est quand même des sciences sociales à la base dont je vais parler. Je vais parler de comportement de votants en termes mathématiques, en termes scientifiques, c'est pas terrible. Normalement, on néglige par exemple complètement les rapports de domination. On fait pas du tout de sociologie. Donc ce que je vais présenter, c'est plutôt des choses techniques qui permettent d'avoir un regard critique, mais qui n'ont pas vocation à révolutionner le monde. Enfin, c'est juste pour vous donner des petites briques qui vont permettre, à la fin, des critiques un peu radicales. Voilà. Alors, quand on parle de procédure de vote, on parle donc d'une assemblée qui doit choisir parmi plusieurs choix incompatibles. Alors, ouais... Alors, on y va pour les procédures de vote. Donc une procédure de vote, c'est on veut choisir une proposition ou on veut élire un représentant, évidemment avec tout ce que ça pose en termes de représentation, mais on veut voter pour quelque chose entre différentes propositions. Alors, il y a plusieurs méthodes qui existent dans le monde. Il y a des procédures à un tour, des procédures à deux tours, ça j'ai déjà dit. Mais il y a un concept qui est important à mettre en valeur, c'est celui de la manipulabilité d'une procédure. Alors, pour comprendre ce que c'est que la manipulabilité d'une procédure, alors c'est un terme mathématique, il ne faut pas l'entendre au sens premier, c'est que il y a souvent une différence entre moi, ce que je voudrais voter si j'étais tout seul, et ce que je vais voter connaissant ou ayant une idée de l'opinion. D'accord ? Alors, plus je vote pour ce que je veux vraiment, plus c'est un vote affectif, voilà, et plus je vote en fonction de ce que je sais de l'opinion, plus c'est un vote stratégique. C'est ça le mot clé qu'on utilise, c'est le vote stratégique. Donc l'idée, c'est d'avoir des procédures de deux votes qui font que les deux coïncident. C'est-à-dire que je vote ce que je veux, mais en même temps, c'est pas une erreur stratégique. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on appelle la manipulabilité d'une procédure. Ça mesure l'écart entre les deux. Plus une procédure est manipulable, plus je vais être amené à voter stratégique et non pas par conviction. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le vote stratégique et c'est donc voilà, ça j'ai dit. Alors peut-être un petit exercice pour vous impliquer plus. Est-ce que vous avez une idée sur ce qui pourrait être une procédure manipulable en France par exemple ou une caractérisation qu'on observe souvent du fait que les procédures françaises sont manipulables? Voilà, c'est ça, c'est le vote utile. Le vote utile, c'est en langage courant, ce qui correspond en mathématiques à une procédure manipulable. En vote utile, ça veut dire qu'on vote pas pour ce qu'on veut, mais on vote pour ce qu'on pense être le moins pire, sachant qu'on a une idée de ce que vont voter les autres. Voilà. Donc ça, c'est la manipulabilité. Alors, ce qui est rigolo, c'est, dans une vision un peu bisounours des choses, les médias des fois nous disent, bah chacun vote qui veut, faut voter par ses convictions. On nous parle beaucoup de convictions. Donc ça, c'est pas du tout du vote utile normalement. Pourtant, on met souvent en avant ça. Quand on vote par conviction. Mais il y a une ambivalence au niveau des médias, par exemple, qui nous disent en même temps, oui, mais attention, si vous votez pas socialiste, vous faites le jeu du Front National ou des choses comme ça. Donc même au niveau des médias, il y a une petite tension entre l'injonction de voter pour ce qu'on veut et puis en même temps, faut être raisonnable. Enfin voilà, une injonction plutôt de voter stratégique. Alors, une fois qu'on a le concept, oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors déjà en soi, le fait d'avoir un deuxième tour, ça induit beaucoup de manipulabilité. Oui. Non. Le fait d'avoir un deuxième tour induit de toute façon de la manipulabilité. Enfin, augmente la manipulabilité. Parce que un premier tour va déjà donner une idée de ce que pensent les autres, donc de toute façon on va être amené à réfléchir en ces termes-là. Voilà. Alors, avec le concept de manipulabilité en tête, on peut déjà se fixer comme but d'avoir une procédure de vote la moins manipulable possible. D'accord ? On va chercher des règles du jeu qui font que c'est moins manipulable. Par exemple, mettre qu'un seul tour, mais ça ne va pas suffire. Alors, en fait, l'enjeu, c'est d'avoir des règles telles que la plus grande partie des gens ne votent pas stratégique, ou votent stratégique, mais que leur vote coïncide à leur vote de conviction. Alors, il y a une première mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un théorème de maths, donc qui formalise un peu tout ça, hein, qui donne une définition un peu mathématique de la manipulabilité. Il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Gibbard-Statter-Waite, qui dit qu'il n'existe malheureusement pas de procédure qui soit non dictatoriale, déterministe et pas du tout manipulable. Alors ça, c'est déjà une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'il va de toute façon y avoir, dès lors qu'on se place dans un cadre démocratique non dictatorial et dès lors qu'on ne fait pas intervenir le hasard, il y aura une partie des votants qui vont de toute façon voter stratégique. Tu avais une question ? Parce qu'en fait, c'était une des régions qui a justifié le fait de passer à la 5e République. Jusqu'avant, tu avais un système à la proportionnelle, donc chacun votait en fait, par conviction pour le parti où les... Voilà. Ouais. C'était l'impossibilité de faire une majorité en fait, avec la pluralité des opinions. Voilà, c'est ça. Bah, c'est bien. Oui, alors là, vous avez vu que je me place dans un cadre où je dois faire un choix. In fine, il faut qu'il y ait un vainqueur. Tu vois, la 4ème République mettait en avant l'Assemblée, en fait, si j'ai bien compris. Donc voilà, c'est pas tout à fait le cadre que je me place. Mais évidemment, on peut faire de la recherche et réfléchir aussi en termes d'Assemblée à élire et des choses comme ça. Démocratique. Ouais. Les proportionnels résolvaient des problèmes démocratiques. En même temps, elle posait des problèmes d'instabilité. Mais ça, je ne pense pas que l'instabilité venait en soi de la procédure. Enfin, on peut en discuter, mais là, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Alors, il y a des théorèmes. Enfin, il y a des pays où il y a de la proportionnelle où ça se passe très bien. Hein. Enfin, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu qui sont plutôt. Voilà. Alors, donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de procédure non dictatoriale et déterministe non manipulable. Alors, on peut raisonner par l'inverse. Si on se donne une procédure dictatoriale, on peut donner un exemple de procédure non manipulable. Imaginez une procédure qui consiste à prendre le soir de l'élection, à ne considérer en fait qu'un seul bulletin, celui de Marine Le Pen, à tout hasard. Bon, bah là, c'est dictatorial, on regarde qu'un seul bulletin. Et pour autant, le votant, il va voter de conviction, ça ne change rien de toute façon. Donc là, il n'est pas en contradiction entre une injonction stratégique et une injonction de conviction. Donc c'est un exemple de procédure où, de fait, là, c'est pas manipulable. Parce que de toute façon, quoi que je vote, en fait, à la fin, on va regarder qu'un seul bulletin. Il y a un autre exemple non manipulable, c'est quand on met du hasard. Par exemple, imaginez une procédure de vote où, dans une urne, chacun met son préféré, ou celui qui va voter, de toute façon, et le soir de l'élection, on va tirer au sort, dans l'urne, le vainqueur. Là, évidemment, tout le monde a intérêt à mettre son préféré, parce que ça augmente la proportion des bulletins de son préféré, et donc ça augmente la chance qu'il soit tiré au sort. Donc c'est encore un exemple où on a coïncidence entre un vote stratégique et un vote affectif. D'accord ? Mais malheureusement, le fait que ce soit tiré au sort, ça pose des problèmes de légitimité. On n'est pas sûr que tout le monde va reconnaître le vainqueur comme une autorité, en quelque sorte. Voilà. Donc ça c'est deux exemples non manipulables, mais pour autant pas complètement satisfaisants. Hein. Pardon ? Oui, mais à comptage, ça devient déterministe, du coup. Enfin... Oui, mais du coup, ça rentre dans le cadre du théorème qui dit qu'il va y avoir une part de gens qui vont voter stratégique. Voilà. Alors, donc ça, j'ai donné l'exemple des dictatures. Alors, on peut ensuite raisonner en termes de... Bon, on va prendre pour principe que, de toute façon, il y a une partie des gens qui vont voter stratégique. Donc, l'idée, c'est de mettre en place une procédure qui minimise le nombre de gens qui vont voter stratégique pour qu'il y ait plus de gens qui votent de conviction. Alors, il y a un premier philosophe qui s'est intéressé à ça, enfin scientifique, à l'époque on était un peu tous, c'est Condorcet. Alors Condorcet, il a dit, on va faire une procédure qui est la suivante, on va organiser que des seconds tours. Donc on va, par exemple, vous pensez à l'élection présidentielle française, on organise un bulletin où il y a tous les seconds tours possibles. Et chaque votant va mettre une petite croix. Donc il va répondre pour tous les duels possibles. Voilà. Et à la fin de la journée, ben on regarde celui qui a gagné tous les duels. D'accord ? Et ça, c'est le vainqueur de Condorcet. C'est ce qu'on appelle un vainqueur de Condorcet. D'accord ? Donc, le vainqueur de Condorcet en 2007, on peut penser que ça pourrait être Bayrou, par exemple. Parce que Bayrou, contre un candidat de gauche, aurait gagné parce qu'il aurait eu toutes les votes de droite. Et Bayrou, contre Sarkozy, on peut penser qu'il aurait récupéré, en tout cas, une bonne partie du vote socialiste. Donc, le vainqueur de 2007, ça aurait pu être Bayrou si on avait pris une autre règle. Voilà, il aurait été tout à fait légitime, hein ? Même peut-être plus légitime que Sarkozy, on sait jamais. Donc c'est la proposition de Condorcet. Alors le problème, c'est que des fois il n'y a pas de vainqueur de Condorcet. Il y a monsieur Pierre qui bat monsieur Ciseaux, qui bat monsieur Papier, mais monsieur Papier bat monsieur Pierre, donc ça tourne en rond. D'accord ? Donc on a ce qu'on appelle un cycle de Condorcet, ce qui fait que c'est pas vraiment une procédure de vote en fait. D'accord ? Il n'y a pas de vainqueur à tous les coups. Alors, il faudrait réfléchir si en termes d'élection au niveau d'un pays, il n'y a quand même pas toujours un vainqueur. Ça, je n'ai pas trouvé, par exemple, de contre-exemple en réfléchissant où on pouvait imaginer qu'il y a, peut-être en 95, Jospin aurait battu Balladur aurait battu Chirac. Je ne sais pas. C'est à réfléchir. Quoi ? Alors, j'ai d'autres autres exemples. C'est en 76, il y a eu un prix d'œnologie qui a donné lieu à un paradoxe de Condorcet. Donc, ils voulaient voter pour un vin et ils ont pour choisir quel était le meilleur vin, ils suivaient une procédure de Condorcet parce qu'ils trouvaient que c'était super intelligent. Mais à la fin, ils n'ont pas pu déterminer le meilleur vin parce que ça tournait en rond. Voilà. Il y a un autre exemple, c'est l'élection d'un premier ministre au Danemark en 94. Pardon ? Non, non. C'est autre chose qui tournait, peut-être. Ça tournait pas mal, mais... Voilà, donc en 94, il y a un premier ministre qui a eu du mal à être désigné parce qu'il suivait une procédure de type Condorcet. Et il n'y avait pas de vainqueur vraiment très clair. Alors, le patinage artistique... Oui ? Ce que je veux dire, c'est que cette procédure, sa définition, Sa définition, elle bannit un peu le vote stratégique, c'est ça que tu veux dire ? Elle le minimise, ok. Donc D'après Théorème, il y a toujours du part de stratégique et il y a toujours des gens qui vont pas voter pour ce qu'ils veulent, mais parce qu'ils vont penser que c'est mieux de voter pour autre chose. Ça, tu peux pas l'éliminer, sauf si tu fais une dictature ou un... Pardon ? Et oui, alors on peut se demander aussi si c'est le bon terme d'appeler ça une procédure, puisqu'il peut ne pas y avoir de vainqueur. Voilà. Donc ça arrivait aussi des histoires comme ça de cycles de Condorcet dans des compétitions de patinage artistique. Le patinage artistique en règle générale donne énormément d'exemples de ce qu'il faut pas faire et de corrections qui ont été apportées. Alors par exemple, donc du coup il y a une autre méthode qui a été mise en place pour le patinage artistique, c'est la méthode de Borda. Alors Borda, c'est un contemporain de Condorcet, ils s'engueulaient pas mal avec lui, ils étaient pas d'accord, notamment sur les procédures de vote. Et Borda, lui, il a dit, en fait, chaque votant va classer tout le monde, tous les candidats, et on va donner, par exemple, s'il y a 10 candidats, on va donner 10 points au premier, 9 points au second, etc. D'accord ? Donc on va faire des points, là, pour le coup. On va donner des points en fonction du classement. Vous avez compris ? Chaque candidat classe, et à la fin de la journée, on donne des points par rapport au classement de chaque candidat, on fait la somme, et le vainqueur de Borda, c'est celui qui a le plus de points. Alors ça, c'est ce qui était suivi en... C'est ce qui était suivi par le patinage artistique jusqu'en 97, des procédures de type Borda. Hein. Il y avait des petits aménagements, mais c'était ça l'idée. Alors le problème, c'est qu'il y a un autre paradoxe qui arrive, c'est le paradoxe qui s'appelle paradoxe d'Arrow. Alors Arrow, c'est un prix Nobel, c'est un prix Nobel d'économie, mais en fait, c'est le prix attribué par la Banque de Suède pour les sciences économiques en l'hommage de Alfred Nobel. Donc c'est ce qu'on appelle dans les médias un prix Nobel d'économie. Qui s'appelle Arrow et qui a montré qu'il pouvait y avoir un paradoxe. Et de fait, le paradoxe s'est produit. C'est en 95, par exemple, au championnat du monde féminin de patinage artistique. Et alors là, ils ont vu qu'il y avait le paradoxe que je ne vous ai pas encore expliqué. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils n'ont rien changé. Ils ont vu qu'il y avait un paradoxe, mais ils n'ont rien changé. Par contre, c'est arrivé 2 ans plus tard au championnat d'Europe masculin. Et puis là, du coup, on a changé les règles. Donc c'est rigolo, c'est quand ça arrive chez les filles, on pose pas de problème. Par contre, quand chez les mecs, ça pose problème. Alors je vais vous raconter le paradoxe. Le paradoxe, c'est que donc au championnat d'Europe masculin, avant l'entrée d'un candidat qui s'appelait Vlachensko, Candeloro était troisième et Zagorodnyuk, je connais pas, était deuxième. Donc Vlachensko entre en piste, fait son numéro de patinage artistique, termine dernier. Malheureusement, le classement est pour autant changé et Candeloro se trouve deuxième. Ça veut dire qu'il y a eu un phénomène où les votes des jurés, qui étaient classés, qui donnaient des points par la méthode de Borda, le fait de mettre un candidat supplémentaire qui même se retrouve dernier va modifier le deuxième et le troisième. D'accord ? Alors qu'ils n'ont rien fait entre temps. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le paradoxe d'Arrow. C'est-à-dire que le fait d'ajouter quelqu'un comme candidat modifie le classement des précédents. Et même modifier le classement en général, alors qu'ils ont... Alors là, vous avez peut-être un exemple sur les élections françaises qui met un peu en évidence ce genre de phénomène. Bon, c'est assez facile. Pensez à l'élection française traumatisante des dernières années. Enfin, il y en a plusieurs. Hein. En 2002, si vous retirez une des dernières, Taubira, on peut penser légitimement que Jospin aurait eu plus de voix et serait passé au premier tour. Au second tour, d'accord ? Donc là, c'est une expression du paradoxe d'Arrow. Ça peut être embêtant quand même. Voilà. Alors, il y a Ralph Nader aussi dans les élections partielles en Floride pour l'élection de 2000. Si Ralph Nader n'avait pas été là, peut-être que Gore aurait gagné l'élection en Floride et peut-être qu'il aurait été élu. Oui. Bonjour. Il y a une autre hypothèse par rapport aux élections de 2002. C'est. Le vote par jugement, c'est que notre système de vote est pas bon. Il permet pas d'exclure ceux qui sont... Voilà, donc vous le connaissez ce... Okay. Il faut juste que je retrouve mon papier. Alors, on continue quand même. Effectivement, il y avait d'autres problèmes sur l'élection de 2000 qui a vu la victoire de George Bush. C'est le fait que, si on compte juste les bulletins de votants, il y a eu plus de gens pour le concurrent, donc Al Gore, que pour Bush. Pour autant, par le système mis en place, c'est Bush qui a gagné. Mais ça, c'est un autre problème du paradoxe d'Arrow. Voilà. Le paradoxe d'Arrow dit que si Nader n'avait pas été là, ça aurait été sans doute mieux aussi. Souligner, c'est parce que c'est le système des grands électeurs, de toute façon, aux États-Unis. Donc... système qui fait qu'il y a des grands électeurs, donc ça aussi ça induit de la manipulabilité, enfin tout un tas de, pas forcément de la manipulabilité, mais en tout cas de un biais démocratique, voilà, enfin antidémocratique. Voilà, on continue. On va mettre moins, on va être plus fort. Faites la naissance du troisième fils d'un monsieur qui est en République démocratique du Congo. Mais je sais pas qui c'est en République démocratique du Congo. Voilà, il fête la naissance du troisième fils de ce monsieur. Voilà, donc en parallèle, il y a des gens qui votent une naissance d'un troisième fils, de quelqu'un de super connu et sans doute super intelligent. Donc voilà, donc je vais en venir un peu à ma conclusion. De toute façon, je voulais arriver là, hein, donc c'est voilà. Alors pour éviter ces deux paradoxes, il y en a d'autres, hein, pour éviter les paradoxes de Condorcet qui fait qu'il n'y a pas de vainqueur et d'Arrault qui fait qu'ajouter un compétiteur, ça change le classement des autres, il y a des règles simples qu'on peut proposer. Alors par exemple, il faut exclure les procédures directement basées sur des classements. Parce que qui dit classement dit en général, on va dire que, moi je sais que le candidat qui est le plus dangereux pour mon préféré, je vais le mettre dernier. Même si c'est pas mon dernier vraiment. Par exemple, si je veux vraiment soutenir Sarkozy, je vais mettre Royal en dernier, quitte à mettre Le Pen ou quelqu'un d'autre devant, alors que naturellement c'est pas ce que je ferais. Donc éviter les classements, au moins direct, enfin inscrit tel quel dans la règle. Il faut mettre plutôt des appréciations que des notes. Donc ça serait bien de mettre pas des notes, mais des appréciations sur avec des termes simples que tout le monde peut comprendre et on peut penser que tout le monde comprend de la même manière. Par exemple, parler de à rejeter, médiocre, convenable, satisfaisant, très bien, excellent. Voilà, chacun pourrait dire sur chaque candidat, je vais mettre une appréciation plutôt qu'une note. Alors de manière générale, c'est bien de demander le plus d'informations possible aux votants et non pas un seul bulletin avec un seul nom. Voilà, donc c'est ce qu'on fait quand on dit on met des appréciations. On va mettre des appréciations sur chaque candidat et en plus c'est une appréciation, c'est pas seulement à rejeter ou excellent. D'accord, donc ça c'est des procédures qu'on pourrait facilement mettre en place, hein, qui sont déjà mises en place pour des procédures de patinage artistique, pour des procédures d'élection du meilleur 20, pour des procédures, j'ai d'autres exemples, hein, le meilleur joueur de basketball, aux États-Unis, enfin voilà. Donc il y a que dans les élections qui mettent en jeu des politiciens où c'est dur à changer en fait les règles du jeu. On peut aussi éviter de faire des calculs de score par moyenne ou par sommation. Parce que là, il va aussi avoir un biais de manipulabilité, parce que chacun va dire, je ne veux pas donner beaucoup de points à Jospin, parce que je sais qu'il est dangereux pour Chirac. Alors que j'aurais tendance, naturellement, à donner un petit crédit à Jospin quand même, plutôt qu'à d'autres. Donc éviter les scores, en termes de somme et de moyenne. Alors c'est pour ça qu'en ce moment, il y a une procédure qui est pas mal à la mode. Évidemment, faire un seul tour, hein. Très important, faire un seul tour. Alors la procédure à la mode, ça s'appelle le jugement majoritaire, elle est assez courante en France, en fait. Alors c'est celle qui est utilisée dans la primaire.org, qui est pas forcément c'est une initiative qui traîne sur Internet où on va élire un candidat par la procédure que je vais vous présenter. C'est pas une procédure que je soutiens forcément, hein, mais c'est en tout cas elle met en jeu la procédure que je mets en avant en ce moment, enfin qui est mise en avant en ce moment. Ça s'appelle le jugement majoritaire. Alors la procédure, elle a été proposée par deux chercheurs qui s'appellent Balinski et Larraqui. L'idée, c'est de mettre une appréciation, et le soir de l'élection, on ne calcule pas des sommes, on ne calcule pas des moyennes, on regarde la procédure médiane, le jugement médian. C'est-à-dire qu'on va dire quel est le jugement, telle sorte qu'il y ait autant de votants qui aient mis mieux que de votants qui aient mis moins bien. Par exemple, on va dire que quelqu'un qui a reçu autant de jugement au-dessus de favorable que d'en dessous de défavorable va avoir la mention favorable. D'accord ? Alors déjà, dans règle générale, c'est toujours mieux de considérer des médianes que des moyennes. Si vous pensez en termes de salaire moyen, vous êtes déjà dans un biais idéologique. Il vaut mieux raisonner en termes de salaire médian. Prenez l'exemple de 1000 personnes, vous mettez un milliardaire dedans, vous mettez 9999 smicards dedans. La moyenne, ce sera une moyenne qui sera peut-être le SMIC. Pour autant, est-ce que c'est vraiment quelque chose de représentatif? Si on prend le salaire médian, ce sera le SMIC. Et de fait, si on prend quelqu'un au hasard dans l'Assemblée des 1000, on aura plus de chances de tomber sur un SMICard que sur le milliardaire. Donc tout ça pour dire que parler en termes de valeur moyenne, en termes de salaire moyen, en termes de revenu moyen, c'est un biais idéologique qui reflète en soi un rapport de force. il vaudrait mieux parler de salaire médian. C'est tout à fait aussi légitime du point de vue scientifique que le salaire moyen. Sauf que c'est plus représentatif d'une certaine manière. Donc ça c'était une petite digression pour dire qu'il faut favoriser les procédures qui, plutôt que de moyenne ou plutôt que de somme de scores, favorisent des scores médians. Voilà, ça on évite de la manipulabilité ici de cette manière-là. Voilà, je crois que c'est tout ce que je veux dire. Si vous voulez avoir plus de détails sur la méthode de Balinski et Laraki, il y a un article du Monde, vous mettez Balinski, Laraki, et ça s'appelle le jugement majoritaire. C'est le nom qu'ils ont donné à leur procédure. Et après, il y a même une page Wikipédia sur cette procédure, voilà. Pardon ? Alors, c'est moins manipulable parce que ça... Oui, alors, c'est moins manipulable parce que ça utilise les règles que j'ai énoncées. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul tour. C'est basé sur des médianes et pas des moyennes. On s'exprime sur tous les candidats. Bon, c'est bien. On utilise des mots simples, pas des notes. Enfin, voilà. Tout le monde est à peu près d'accord. Et le truc rigolo, c'est que ça... Je te donne la parole après. Le truc rigolo, c'est que ça met les instituts de sondage en grosse difficulté parce que c'est très dur de faire des sondages sur ce type de méthode parce que rien que interroger quelqu'un par téléphone là-dessus, ça doit prendre au moins 20 minutes. Voilà. Donc, et puis, en termes de pronostic, ça devient très compliqué. Donc, tout ce qui peut écarter les sondages, c'est pas mal aussi. Ça évite de donner aux gens l'envie de faire du vote stratégique. Voilà. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai d'autres choses à dire si vous voulez. Enfin bon, voilà. On prend quelques questions ? Et après, si tu veux compléter, on fait comme ça ? Ouais ? Alors, il y avait une première question. Tu veux que je la lise ou tu veux... Ok. Pourquoi ne pas choisir un représentant de chaque parti politique et le faire président ? Ceci serait démocratique. Oui, enfin, ça pose la question. Donc, il n'y a plus de vote, alors. C'est-à-dire qu'on prend un représentant de chaque parti et puis on lui donne un mois de mandat, c'est ça ? C'est vrai. Alors, je ne sais pas exactement ce que veut dire la question, donc il faut peut-être la formuler autrement. En tout cas, moi, je voulais parler des procédures d'élection. Comment est-ce qu'on fait un choix ? Pas forcément sur un candidat. Hein. On peut décider où est-ce qu'on va mettre un hôpital. Voilà. Où est-ce qu'on met un hôpital ? Il y a des propositions, et puis les gens dans les villes autour, eh ben, ils décident. Ils votent. Voilà. Ça peut très bien se faire par les procédures que j'ai indiquées. C'est pas forcément un candidat. Pensez juste en termes de représentant et de candidat, c'est un biais idéologique. On veut plus de représentants à Nuit Debout, si j'ai bien compris. Juste aussi, pour compléter par rapport au jugement majoritaire, ça permet d'exclure des candidats qui n'ont rien à faire là, ça aussi. C'est que, du coup, on va pas pouvoir avoir... Voilà, c'est ça, avec ce genre de façon de voter là, Le Pen, il passe pas, parce qu'il y a une majorité de personnes qui mettent, non, nul à chier, poubelle. De quoi ? À rejeter, pardon. Excusez-moi. À rejeter. Moi, je veux pas la décourager, mais c'est pas certain. Parce que moi, premièrement, je pense que sur un comptage, une des crises politiques, c'est aussi l'abstention. Alors, je sais pas comment on intègre dans les raisonnements divers et variés qui peuvent s'inscrire aujourd'hui dans les réflexions globales. Je pense que l'abstention reste, à mon avis, une des grandes données qui fait parfois les résultats aux élections. Deuxième chose, je voudrais que tu me parles de ce que fait le système médiatique, parce que si à un moment donné, éventuellement, on s'exprime sur, je dirais, une compétence, une appréciation, se pose le problème de la notoriété. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les médias, par la notoriété, fabriquent des candidatures, on l'a vu avec Emmanuel Macron, qui sortent du diable Vauvert, qui ont fait des itinéraires plutôt dans le privé, et puis qui tout d'un coup sont susceptibles de remplacer Hollande à la prochaine élection. Donc on voit bien que la notoriété par les médias poserait ce genre de problème. Voilà, déjà deux questions comme ça, quoi. Merci. On répond et après je te donne la main. Je vais répondre, sinon je vais oublier. Alors sur l'abstention, je fais l'hypothèse que tout le monde vote. Cela dit, l'abstention vient aussi du fait qu'on est dans une procédure qui n'est pas satisfaisante. Si les gens avaient comme procédure le jugement majoritaire, on peut penser qu'il y en a beaucoup qui seraient intéressés par voter. Alors peut-être ça nécessiterait une phase d'apprentissage, parce que quand on présente ça, on dit oui, mais c'est beaucoup trop compliqué, les gens vont pas... En fait, si, les gens ils vont comprendre au bout d'un moment, peut-être ça prendra du temps, mais un jugement majoritaire, ça s'explique bien, il n'y a pas besoin de concepts mathématiques compliqués. J'ai essayé de vous l'expliquer en 20 minutes, là. Enfin, pas que ça, mais voilà. Et ta deuxième question sur l'effet médiatique, là, ça dépasse ce que je veux dire. Voilà, moi je voulais juste parler de... j'ai dit dès le début que je faisais pas de la sociologie, moi, je suis plutôt mathématicien. Évidemment qu'il y a une contribution à avoir en sociologie là-dessus. Quel est l'effet sociologique de passer à la télé ou pas ? Quel est l'effet sociologique ? Ben, ça, Mais ça dépasse mes compétences et j'ai pas grand chose à dire là-dessus, même s'il y aurait des choses intéressantes à dire. Hein. C'est pas du tout ce que je. Je pense qu'il faut faire aussi attention aux termes qu'on utilise, parce qu'une élection, c'est pas une votation. Et entre choisir entre des candidats, c'est pas la même chose que choisir sur est-ce qu'on fait un aéroport à Notre-Dame-des-Landes et qui vote, quel est le secteur, etc. Et puis également, il y a un truc sur les élections, puisqu'on se pose quand même toutes ces questions dans le cadre d'un système qui est le nôtre, qui est le système capitaliste, etc. Et moi, je pense qu'il y a aussi un autre aspect, c'est que en réalité, il y a la question des intérêts de classe, etc. Et que 5 votes Marine Le Pen, c'est pas la même chose que 5 votes pour quelqu'un d'extrême gauche, parce que derrière, on a des ouvriers qui font fonctionner le pays, etc. Alors que derrière les électeurs du Front National, selon ce qui se passe, etc. Mais en général, c'est pas les intérêts de la majorité qui sont défendus, etc. Donc c'est aussi, si je peux finir, avant de, voilà. Et que on le voit bien aujourd'hui avec ce qui se passe en France. Aujourd'hui, les ouvriers ont plus de pouvoir. Et heureusement, parce que c'est eux qui font marcher le système et c'est eux qui peuvent le bloquer. Et c'est eux qui ont normalement tout intérêt dans la société. Non, moi, je suis pas sûr. Hein. Je suis quand même sur le principe un vote égale à un autre vote. Ça me paraît bizarre. Et je pense que malheureusement, parmi les ouvriers, ils votent Le Pen. Et on peut pas, on va pas dire, bah non, vous avez tort. C'est pas possible. Il y en a quand même certains qui le font. Ouais, et puis il a introduit la distinction entre votation et élection, et là on se pose le problème de la démocratie représentative. Est-ce qu'il est nécessaire pour la prise de décision collective, en fait, d'élire quelqu'un? Et là on est sur une autre considération de comment faire la politique au-delà même du système de participation, de votation. Voilà. Non, alors comme je disais, de toute façon, moi je donne juste des idées. J'ai pas dit que j'ai pris comme exemple le fait d'élire quelqu'un, mais on peut très bien dire ou mettre un aéroport, pas du tout d'aéroport d'ailleurs, ou un hôpital, c'est plus sympa. On a une ville A, une ville B, une ville C. Où est-ce qu'on met l'hôpital? Bon ben voilà, on peut faire un vote. Il y a 3 positions ici, parce qu'on peut pas mettre l'hôpital aux 3 endroits, voilà, pour une raison ou pour une autre. Il faut faire un vote, et c'est ça que je voulais expliquer. C'est il y a des procédures meilleures que d'autres. Du coup, la question importante à se poser, c'est qui aujourd'hui a le pouvoir décisionnel de décréter qu'un hôpital va être construit là? Comment se passe cette prise de décision là? Et par quelle voie cette personne est élue ou non d'ailleurs? Voilà. Oui, moi c'est plus une réflexion que j'ai depuis un certain temps. Tout en fait, au niveau des élections qu'on a à l'heure actuelle, on choisit une personne avec un programme, on pense que la personne va être capable de résoudre tous les problèmes. Est-ce qu'il faut, au lieu d'élire une personne, mais élire un groupe de personnes qui soient plus représentatifs de la population? Par exemple, 3 présidents, je dis un chiffre comme ça, mais un président issu du monde du travail, un président issu du monde de la précarité, ça peut paraître utopiste, mais et un président issu des personnes qui ont du pognon, et réussir à faire en sorte que ces 3 personnes-là soient capables de travailler ensemble de manière à donner une vision globale de la situation en France. On peut en faire autant au niveau des ministres. Tu veux réagir? Non, je suis d'accord, hein, c'est pas de ça que je parlais, mais oui, évidemment, je suis d'accord. Si je parle avec mes convictions, moi, je veux une assemblée de 3000, de 5000 députés, et puis ils discutent tout le temps, et puis ils sont renouvelés tous les ans, et puis dès qu'ils font pas ce qu'ils ont dit, ben, on les vire. Et puis c'est pas grave parce qu'ils ont du boulot à côté, enfin, parce que c'est pas leur métier, enfin, voilà, on est d'accord là-dessus, hein. Après, la question, c'est la légitimité. Si on met des gens au pouvoir d'une manière qui est pas reconnue par la population, ils vont pas y arriver. Ils auront beau être aussi motivés qu'ils veulent ou pas, hein, ça se trouve ils sont pas motivés. Mais il y a la question de la légitimité qui se pose, et c'est pour ça qu'il faut discuter des procédures, parce que une procédure, faut qu'elle soit comprise par les votants et faut qu'elle soit acceptée par les votants, sinon ils vont pas reconnaître le vainqueur comme étant, ou la proposition qui va gagner comme étant la bonne. encore une fois, je veux pas forcément élire quelqu'un. Hein. Je veux faire un choix parmi plusieurs propositions incompatibles. Parce que de toute façon, il va y en avoir des propositions incompatibles. Voilà. Je voulais poser la question. Là, on parle de vote majoritaire, mais il y a beaucoup de collectifs, j'ai vu en Italie, qui travaillent sur des procédures unanimistes. Alors, ça prend beaucoup plus de temps, mais ils exigent l'unanimité. Voilà. Oui, oui, alors ça, si ça peut se faire, c'est mieux. Hein. Mais si ça peut se faire, quand il s'agit de mettre un hôpital à un endroit, là, on va pas. Faut discuter. Mais ça, évidemment, que discuter, c'est bien. Hein. Voilà, c'est pas ça que je mettais en avant, mais évidemment que c'est bien de discuter avant, avant de faire. Moi, je me disais, à part. Plutôt qu'éventuellement passer d'un système, j'allais dire, à une proposition qui serait idéale, admettons, je pense qu'il faut aussi déjà corriger l'existant. Par exemple, moi, je pense que la notion même de président de la République devrait être remise en débat. Parce que je pense que déjà ça, ça ne fait pas penser collectif. C'est-à-dire, à partir du moment où on remet les gens dans un champ de réflexion individuelle, je pense que l'élection du président, c'est une catastrophe pour ça. Et d'ailleurs, souvent, l'Assemblée nationale, on a souvent le président qui dit « Maintenant, donnez-moi une majorité ». Donc, on voit les dégâts que ça fait par rapport à ce que tu disais, quoi. Donc, moi, il me semble que... Après, il y a autre chose, c'est la possibilité d'être candidat. Je pense que réellement, il faut qu'on arrive à un système qui soit beaucoup plus ouvert, où il n'y ait pas des restrictions qui soient données par rapport à la fonction sociale, voire même le système des signatures, parce qu'on voit bien que sinon, c'est un système qui tourne en rond, puisque c'est les gens élus qui décident de qui a le droit d'être candidat. Voilà, enfin, c'était ma réflexion. Donc, je suis plus pour commencer à réguler et à organiser mieux ce qui existe déjà que de mettre un truc complètement par terre en disant « j'ai trouvé une solution idéale ». Oui, je me permets juste de... Parce que c'est vrai que ça, c'est un sujet, il me semble, qu'on n'a pas encore abordé. C'est la question de qui peut être candidat. Non, mais tu dis qui peut être candidat, mais qui est-ce qui peut élire aussi, quoi. Tu vois, qui est-ce qui a le droit de vote et qui est-ce qui a accès au droit de vote. Non, alors sur le qui peut être candidat, bon, déjà, vous me replacez dans le cadre où je veux élire quelqu'un. Hein. Encore une fois, je veux bien choisir aussi où je vais mettre mon hôpital. Donc, faut pas trop parler de candidat. Enfin, faut prendre ça comme exemple pour l'illustrer par les élections françaises qui marchent pas bien. Voilà. Qui mettent un second tour où il y a des candidats qui se retrouvent alors qu'il y a 80% des... Enfin, je sais pas, si on prend l'élection de 2002, il y a quand même deux candidats qui se retrouvent au second tour alors qu'ils n'ont pas réuni... Enfin, chacun n'a pas réuni plus de 20%. C'est quand même un problème. Donc, non, voilà. Qui peut être candidat, ça, je veux pas forcément y répondre. Je pense qu'il y a les moyens de... Enfin, je veux dire, il y a des moyens de mettre en place des procédures par Internet où petit à petit émergent des candidats, si on veut vraiment mettre des candidats, hein, c'est pas mon choix. Hein. Ou alors on en met beaucoup, enfin, on fait une assemblée, enfin voilà, une assemblée comme la nuit debout, on organise des commissions. Hein. Et il y avait une deuxième question. Non, vas-y, bon, je passe. Il y a d'autres manières d'être représenté. Mais donc, c'était un peu la distinction déterministe-non-déterministe. On peut tirer au sort parmi la population l'Assemblée. Si on met 5000 personnes... Alors voilà, les gens ont peur face au hasard. Ils disent, ah oui, mais s'il n'y a que des Le Pen, vous mettez 5000 de personnes, vous êtes sûr que toute minorité qui représente 2% de la population, j'invente les chiffres, mais c'est le bon ordre de grandeur, a 99,9% de chance d'être représentée dans l'Assemblée. Ça ne peut pas arriver qu'il y ait 5000 Le Pen, si vous pensez. Ce serait comme même pas gagner l'auto, c'est encore un peu plus improbable que de gagner l'auto. Voilà. Je vais quand même vous dire bonjour. Ici, il y a pas mal de fêtes aujourd'hui. C'est superbement beau et c'est la République. Et puis, il y a la République de Paris, déjà. Et on voulait vous dire bonjour. Moi, je m'appelle peu importe. C'est déjà un nom. La République, c'est le nom de mon groupe pour le moment, mais ça peut changer. Je suis musicien, chanteur, compositeur. Et bon, ben, je suis d'accord pour être candidat. Voilà, je me présente. Enfin, tout d'abord, bonjour. Voilà. Bonjour. Et... Enfin, je vous entends depuis tout à l'heure. J'essaie d'écouter plus ou moins les opinions de chacun. Mais quelle serait la solution pour que nous puissions changer, voilà, le système de notre pays. Parce que là, j'entends que du blabla. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un. Écoutez-moi bien. Moi, je suis loi. Je suis loi. J'ai du 9-3, 93, la Courneuve. J'ai travaillé. Je vais vous dire mon parcours. Écoutez bien. Ministère de l'Environnement, sous Madame Corinne Lepage. Par la suite, j'ai vu le changement. Au niveau, voilà, la droite, ok, sous Monsieur Chirac, qui était président à la suite, et Monsieur Jospin, Premier ministre. Donc après, il y a eu Madame Voynet. J'ai vu son arrivée au sein du gouvernement, comment elle a été acceptée en tant que femme, ministre des Verts. Voilà, ça c'est la France, hein. Parce que les femmes, elles essayent d'être libres. Voilà, mais nous sommes un pays latin, déjà, pour commencer. Voilà, après, moi, mon évolution, c'est à travers, après le ministère de l'Environnement, ministère de l'Éducation nationale, sous Madame Ségolène Royal. Voilà. Donc, j'ai vu. Par la suite, j'ai fait 8 ans à la Commission nationale informatique. Connaissez-vous ? Voilà. On m'a dit, moi, j'ai rencontré des mâmes, c'est-à-dire Michel Alliomari. Moi, je suis noir, hein. Je suis noir en France. Je suis rien du tout, je suis une merde. Il n'y a pas de souci. Je continue mon chemin. Après la CNIL, j'ai fait la DGA. La DGA, Direction Générale de l'Armement. Le Pentagone français qu'ils ont construit là. Toujours, faut fermer sa gueule. Comme d'hab, parce qu'on m'a dit, va prendre des cours de Florent, ne parle pas au petit peuple. C'est ce qu'on m'a dit, moi. Voilà. Et aujourd'hui, je travaille sur les dossiers juridiques qui concernent les victimes des attentats. Mais moi, comme je suis noir en France, on va pas m'écouter. Point. Parce que pourquoi ? Parce que l'éducation des gens ne leur permet pas d'avoir la... Voilà. Passez une bonne journée. Et j'espère que ça va évoluer. Mais j'y crois pas trop. Il faut éduquer les gens de manière à comprendre leur histoire. Parce que l'histoire appartient à la violence comme la violence de son histoire. Et histoire et... Mensonge devient vérité et vérité devient mensonge. C'est la philo, hein. C'est un peu philo. Parce que ça, on nous a écartés. Ça fait partie pour une élite. Bonne journée et bon courage. Avant que tu t'en ailles, en fait, ce qu'on fait ici, c'est de l'éducation populaire. Donc, du coup, t'as des sujets d'intervention. Et donc, notre point de départ, c'est aussi de dire que pour prendre des décisions tous ensemble, on a besoin de s'éduquer tous ensemble sur des sujets différents. Et là, le sujet que le monsieur il a proposé, c'était les procédures de vote. Donc on parlait de ça. C'est pour ça que ça t'avait l'air d'être du blabla. Mais non, toi, pour toi. Mais moi, j'ai mon vécu. Ça veut dire que moi, tes élus là, tes sénateurs que tu idolâtres parce que tu vas aller voter. Tu vas voter. Ah si, il faut aller voter. Parce que vous, la démocratie, c'est ça, non? Pourquoi vous n'allez pas voter? Non, il n'y a pas de souci. Continuez. Mais moi, je comprends maintenant pourquoi le pays, c'est comme si c'était un hamster qui tourne comme ça. Bon courage. Les jeunes, hein. Bon courage. Et du coup, je voulais te poser une question, toi, par rapport à tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui peut être intéressant au niveau des procédures, justement, où tu aurais une procédure de favorabilité ou de rejet, comme tu l'as expliqué, tu sais, avec des appréciations, qui permettrait, en fait, de créer une espèce d'unanimité, dans le sens où, voilà, on est unanimement favorable sur le fait... Enfin, on dit, voilà, on est plus favorable à mettre l'hôpital là que là. Et ensuite, proposer un vote en disant, voilà, en sachant que la majorité est plutôt favorable à l'implantation de l'hôpital ici plutôt qu'ici, est-ce qu'on le fait ou pas? Voilà. Est-ce que ce serait pas ça, les procédures les plus... C'est plus long et tout, mais est-ce que ce serait pas les... Bah, c'est non, c'est deux procédures, tu vois. C'est une procédure, en fait, d'appréciation et une procédure de décision. Non, mais mathématiquement, je sais pas comment ça se place. Là, en fait, j'ai pas tellement de réponse à ta question, mais l'idée même de faire de deux tours, c'est pas terrible. Normalement, une élection, elle doit être vraiment la plus ouverte possible. C'est-à-dire, on doit vraiment voir les résultats dans toute leur diversité. Ils doivent se déployer devant tout le monde. Et le fait, par exemple, de faire du jugement majoritaire, là, t'as énormément d'informations qui apparaissent. Tu vois, par exemple, si une procédure gagne, comment elle a gagné? Est-ce qu'elle a gagné avec la mention acceptable ou est-ce qu'elle avait gagné avec la mention très bien? Donc de toute façon, il y a une idée de ça. On voit bien qu'on va prendre cette décision, mais attention, elle n'est pas partagée par tout le monde. Donc il y a de toute façon des procédures qui peuvent mettre en place intrinsèquement une appréciation sur le vainqueur lui-même. Pas seulement que c'est le vainqueur. C'est-à-dire c'est un vainqueur, oui, mais dans quelles conditions? Mais ça, bon, voilà, ça résout un peu ton problème parce qu'on va savoir, bon, bah attention, l'hôpital, on va le mettre là, mais on sait que c'est passé de justesse. Parce que c'est acceptable, c'est pas très bien. Voilà, donc je pense que ça fait partie du truc. Je pense que de manière générale, mathématiquement, il faut pas faut éviter de faire plein de tours. Alors il y a des procédures qui font pas mal de tours, qui sont pas mal quand même. Hein. Il y a le vote par approbation, il y a le vote alternatif qui se passe en Australie, où petit à petit on élimine le dernier puis on redistribue ses votes. C'est des procédures qui sont de toute façon mieux que la procédure française, par exemple. Hein. Mais si on se fixe vraiment un objectif maximal, il faut éviter plusieurs tours. Il faut par contre faire une bonne campagne d'information. Enfin, ça, c'est la question médiatique. Hein. Alors, on va encore prendre peut-être une ou deux questions maximum, parce qu'après, on va enchaîner avec la prochaine intervention. Peut-être, si ça ne vous dérange pas, privilégier des gens qui n'ont pas encore parlé. Je crois que vous avez parlé tous les deux. Hein. Enfin, vous avez posé des questions. Toi, il y avait une question derrière. Alors, j'avais juste une question un peu technique sur l'avantage de l'aléa, en fait. J'ai pas très bien compris, en fait, la différence qu'il y a, mais c'est ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, la différence qu'il y a, en fait, entre tirer au hasard dans une urne un vainqueur et compter tous les bulletins. Je vois pas en quoi ça serait moins manipulable. Au niveau, enfin, je veux dire, d'un point de vue, ce que tu appelais stratégique, là, je vois pas la différence, parce que si tu comptes et que tu prends le majoritaire, ça fait à peu près comme si tu prenais un truc aléatoirement. Enfin, bon, c'est un peu technique, mais... Alors, j'ai pas réfléchi. Si tu comptes les bulletins, t'as une réponse ? Ouais, vas-y. Si on ne dit pas, si on te dit c'est au sort, il n'y a pas de doute, tu vas mettre celui que tu préfères pour augmenter la probabilité qu'il soit compté. Si tu dis on va compter, on prend celui qui a le plus de voix, tu dis bon, allez, par exemple, je sais pas, je suis extrémiste, enfin bon, il y a des candidats que j'aime bien à l'extrême gauche, Poutou. Ah oui, mais on est que 5%, les gars, j'ai quand même voté pour un gars plus modéré. Parce que lui, il a une chance d'arriver en tête. C'est tout. Mais d'avoir le meilleur pourcentage. C'est quoi la différence ? Mais c'est que... c'est que si je mets mon Poutou à la place de mon Hollande, Poutou a plus de chances d'être élu. Et l'ensemble sur les... Imagine, il n'y a que Poutou, Hollande... Enfin, Poutou, un centriste et Le Pen. Tu préfères que le centriste soit élu que Le Pen. Mais quand c'est au hasard... Tu entre Hollande et Poutou, tu préfères Poutou. Il y a le fait aussi que quand tu comptes, bah, ta voix risque d'être perdue. Enfin, si tu votes pour Poutou, par exemple, il a peu de chances d'être élu parce que l'état de l'opinion fait que. Bon, bah, ta voix, elle compte pour rien. Si tu mets dans l'urne et que tu as une chance de tirer au hasard, elle compte peut-être pour quelque chose, au moins en termes de probabilité. Au fond, si on, dans les procédures de vote où on met des numéros en fonction de celui qu'on préfère jusqu'à celui qu'on aime le moins, c'est un peu proche de ce que vous proposez. Je réponds. Non, ça c'est la procédure de Borda. Alors elle est mieux que la procédure de Condorcet par certains aspects, mais en patinage artistique, elle pose des problèmes. Des fois, il y a le paradoxe d'Arrow qui apparaît, c'est-à-dire que il y a un classement et puis il y a un nouveau candidat qui arrive en lice, qui fait son numéro de patinage artistique. Il est classé dernier et pourtant avec cette procédure, juste le fait qu'il ait patiné et qu'il soit classé dernier va échanger le 2 et le 3. C'est ce qui est arrivé à Candeloro en 97. Pourtant, ils avaient déjà le 2 et le 3 avaient déjà... mais il y en a un qui rentre, il termine 6e et pourtant, le fait qu'on ait voté pour lui, avec le système, c'est un système compliqué hein, le patinage artistique, c'est vraiment quelque chose qui ressemble à ce que vous dites. Eh ben, ça va changer les scores, et du coup, Candeloro va passer deuxième, alors qu'il a rien fait entre temps. Voilà. Donc, il y a des problèmes cachés. Il y a des problèmes cachés. Mais c'est toujours mieux que. Moi, je préférais faire Borda que le scrutin à deux tours pour la présidentielle française. Hein. Là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème. Je voulais dire que demain, jeudi 26, manif contre la loi travail RDV. Pardon. Rendez-vous du PCF 13h, angle Doménil, Diderot, métro Gare de Lyon, PCF Paris. Merci. Faut le dire ce soir à l'Assemblée aussi. Hein. Qu'est-ce qui se passe ce soir à l'Assemblée ? Pardon ? Ah, l'AG, ah d'accord. Ah, je croyais à l'Assemblée nationale, ok. D'accord. La seule, la vraie. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Ouais. Ok. c'est juste une réflexion par rapport au tirage au sort. Excuse-moi. C'est juste une question par rapport au tirage au sort. Qui tire au sort? Ah oui, le tirage au sort, on n'en a pas énormément parlé. Non, là, on s'en fiche complètement. Il faut juste que ce soit un vrai tirage au sort. Non, moi, ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tirer au sort, qui que ce soit, hein, on va prendre quelqu'un dans la rue au hasard, on va lui-même le tirer au sort, si vous voulez. On va prendre un enfant de 4 ans qui passe par là, on lui fait tirer au sort. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit reconnu. C'est-à-dire qu'il faut que la population dise, OK, il a été tiré au sort et on va le respecter. Parce que respecter quelqu'un qui a été tiré au sort, en termes d'autorité, ça pose des problèmes. Si on a une population qui est d'accord pour faire du tirage au sort, qui est disciplinée, il n'y aura pas de problème. Des gens qui vont dire oui, mais tirer au sort, ça n'a aucune valeur. Donc c'est ça qui. Donc si on est favorable au tirage au sort, il faut faire de la pub pour convaincre les gens que c'est bien. Moi, je dis pas que c'est bien. J'ai pas d'idée. Moi, je préfère le jugement majoritaire. Hein. Mais bon, il faut faire la pub pour que ce soit accepté. Parce que le problème du tirage au sort, c'est la légitimité. C'est ça le problème. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, procédure de vote? Allez, ça sera la dernière. Juste un exemple de tirage au sort, je vais rappeler ça, les jurés d'assises sont tirés au sort. Et on accepte, les jugements sont acceptés, les gens vont bien en prison. Voilà. On va te remercier beaucoup pour ton intervention passionnante. Et on vous remercie pour vos questions passionnantes aussi. Alors, donc on enchaîne avec un prochain intervenant, Jérémy, qui va nous parler des tournesols à Taïwan, donc sujet un peu énigmatique. Et j'en profite pour vous dire que je vais faire passer la boîte à questions, en fait, juste ces petits papiers avec un stylo qui vous permettent de nous poser des questions. Et à 16h, donc juste après, on va répondre à vos questions. Et c'est en fait vous qui allez répondre aux questions des uns et des autres. Donc si vous avez une question que vous vous posez, on va essayer d'y réfléchir ensemble. Voilà. Alors Jérémy, je te laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Vous m'entendez ?